Yeah, Bouzion à la prod, Samir Face, c'est le Ben, la peine, Zach le missionnaire, génération Westa. J'entends les gens râler, c'est la crise, chauffe au highlight. Soudé comme les triades, un blind sur la guillade. Dernière brochette, regard fiscal. On est déter et pépère, jeune du terre-terre. Chauveur, gangster, ouvrier les prolétaires. Trop bouillant et bruyant, brave et brillant. Vive à mon confrère en le criant. Des taxes à la comme ça, mon frère, nous on en demande. La famille, les amis, ça vaut tout l'or du monde. On vient de Bruxelles, ouais, t'as reconnu l'accent. Arvé, frère, fier comme un cheval puissant. Avec tous mes potes, j'crois que ça va flamber. Si ça part en couille, t'inquiète, on passe au plan B. Ben Appel représente pour tous les ghettos. Ne dors pas, car l'avenir appartient à ceux qui s'aiment tôt. Rien au Einstein, ce soir on s'installe. Tous ce soir à fond, donc on installe. On pose nos voix, sans l'accompli, wesh. Vas-y, guest, Ben Appel pour les gangsta.